de fées en français. Les fabuleux voyages de Sinbad, première partie. Hey, Tac! Hey, Tic! Je peux te demander quelque chose? Pourquoi cet océan est-il si ennuyeux tout le temps? Ennuyeux? Pourquoi dis-tu cela? C'est un lieu fait d'aventures et rempli d'explorateurs sans peur. Ah oui, oui. Les aventures sur l'eau. Les vagues sont des merveilles à observer. Et ces voyageurs sans peur, ils me nourrissent de leurs aliments avariés. Oh, allez, ne sois pas si négatif, Tic. Une fois de temps en temps, il y a bien un homme qui fait preuve de courage et d'amour pour l'inconnu. Comme par exemple Sinbad. Sinbad? Oui, Sinbad le marin. Tu ne le connais donc pas? Attends, allons auprès du pot magique. Ces voyages valent le coup d'être vus. Mais c'est juste de l'eau. Est-ce que tu vas faire une sorte d'abracadabra? Abracadabra, c'est vieux jeu. Regarde et apprends. Oh, oh, clair et bleu, montre-nous tout ce qui est perdu en toi. Oh, oh magique, montre-nous l'histoire de Sinbad le marin. Bienvenue à Bagdad, la cité des frissons et le foyer de notre Sinbad le marin. Sinbad, j'ai entendu dire que tu partais vers un nouveau marché pour faire des affaires. Oui, mon oncle, j'ai bêtement dépensé tout l'argent que mon père avait gagné. Il ne me reste plus rien. Je dois continuer et faire perdurer son commerce. Avec d'autres amis, nous mettons les voiles pour Bagdad dès demain. Très bien, mon fils. Bon voyage. Sois prudent. Et c'est ainsi que Sinbad s'en alla pour son premier voyage. Sinbad adora sa première fois à bord d'un navire. La brise, le vent, les eaux bleues et fraîches, tout semblait être fait pour lui. Mais lentement, il finit par se lasser de tout cela. Il avait une envie désespérée de poser les pieds sur la terre ferme, mais il n'y avait aucun signe d'une île proche à l'horizon. Quand soudain... Capitaine, je vois une petite île! Youpi, capitaine, regardez! Oh, je n'en pouvais plus de toute cette eau! Enfin un bout de terre! Cette île a l'air magnifique. Hé, hey, Sinbad, où vas-tu comme ça? Le repas est prêt. Je reviens vite. Je vais d'abord faire un petit tour pour voir. Tout est tellement beau, mais j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond. Cette terre semble un peu différente. Hé hey! Mais que se passe-t-il? Pourquoi la terre bouge-t-elle comme ça? Il faut que je retourne au bateau. Sinbad courut à toute vitesse. Mais il était si loin dans la forêt que le chemin du retour était vraiment très long. Au même moment, les autres marchands avaient eux aussi senti la terre trembler. Pourquoi la terre bouge-t-elle ainsi? Avez-vous ressenti ça? Hé, réveillez-vous, l'île bouge. Il y a quelque chose qui cloche. Oui, retournons vite au navire. Courez! Ce n'est pas une île. C'est une baleine endormie. Nous l'avons réveillée avec le feu. Nous! Mais pourquoi cette baleine dort-elle au-dessus du niveau de l'eau? Sauvez-vous! Courez! Et voilà donc ce que c'était. La baleine était restée endormie pendant si longtemps qu'une forêt tout entière avait poussé sur elle. Tout le monde était si terrifié, il ne savait plus qui était déjà remonté sur le bateau et qui était resté en arrière. Sinbad courait aussi vite que possible, mais alors... Oh! La terre vient de s'enfoncer. Que se passe-t-il? La baleine retournait dans l'eau et elle était en train d'entraîner avec elle la forêt tout entière. Non! Attendez! Ah! Sinbad pensa que c'en était fini pour lui. Mais le destin avait bien d'autres plans. Oh! Mais où sont mes hommes? Le navire a disparu! Que puis-je faire maintenant? Je ne dois pas perdre espoir. Ces eaux me porteront bien quelque part. Sinbad flotta sur la souche d'arbres pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Il finit par atteindre un rivage. Il était si fatigué qu'il s'endormit immédiatement. Quand il se réveilla, il était affamé et assoiffé. Oh, il n'y a rien par ici. Pour pouvoir survivre, il va me falloir essayer de grimper à cet arbre. Il doit bien y avoir quelque chose à manger là-haut. Waouh ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? De l'eau ! Oh, bonté divine ! Lorsque j'étais sur mon navire, tout ce qui me manquait, c'était la terre ferme. Et maintenant que j'y suis, c'est de l'eau qui me manque. Hein ? Et j'ai tellement faim ! C'est quoi ce bruit ? Des chevaux ? C'est qu'il y a donc aussi sûrement des gens dans le coin ? Tu es un cheval solide. Où est ton cavalier ? Hey ! Nous ne t'avons jamais vu par ici. Qui es-tu ? Oh, je suis si heureux de revoir enfin des humains. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un voleur. J'avais faim, alors je me suis dirigé vers la forêt. Je suis un marin. J'avais amarré sur une île qui était en fait une baleine et qui m'a attiré vers les bas-fonds. Et alors je... Une baleine ? D'accord. Tu t'es sûrement cogné la tête très fort, mon ami. Viens par là qu'on te donne d'abord à manger. Je suis sûr que j'ai dû me cogner la tête, mais c'était vraiment une baleine. Et oui, un peu de nourriture me ferait du bien, merci. Et alors, elle m'a entraîné au fond avec elle. C'est fou quand même. Cette baleine qui a flotté pendant toutes ces années avec une forêt sur le dos, une forêt toute entière. Et alors, une poignée d'hommes et un petit feu l'ont forcée à se réfugier sous l'eau. Je ne suis pas surpris que la baleine ait été en colère. Je vous le dis. Mon équipage n'a pas eu une seule pensée pour moi quand ils ont levé l'ancre. Je ne peux pas leur en vouloir. Tout le monde craignait pour sa propre vie. De la malchance, c'est ce que je me dis. J'ai été le seul à être entraîné au fond des eaux. De la malchance ? Mais de quoi parles-tu donc ? Ton histoire est incroyable. Sais-tu que nous ne venons sur cette partie de l'île qu'une fois par an pour nourrir les chevaux du roi ? Si tu avais dérivé demain, nous n'aurions déjà plus été là. Sans nous, tu n'aurais jamais pu trouver ton chemin vers la partie habitée de l'île. La partie habitée ? Bien sûr ! Là où les gens vivent. Nous allons t'y amener. Notre roi sera enchanté d'entendre ton histoire. Les soldats emmenèrent donc Sinbad dans la partie habitée de l'île. C'était un petit royaume avec des gens gentils. Sinbad rencontra le roi et lui conta son histoire. Cette mer est vraiment pleine de surprises et de mystères, en effet. Tu es un homme courageux. Je vais dire à mes hommes de prendre grand soin de toi. Oh, Votre Altesse, c'est bien plus que je n'avais osé espérer. Rien que ce matin encore, je pensais que j'allais mourir sur cette île. Et me voilà maintenant à me tenir devant le roi le plus généreux. S'il vous plaît, laissez-moi me rendre utile auprès de vous. Tu veux dire que tu voudrais gagner ta vie ici ? Je suis impressionné. N'as-tu pas dit que tu étais un marchand ? Si c'est le cas, j'ai un travail parfait pour toi. Pourquoi ne pas nous aider à enregistrer les marchandises en transit dans notre port ? Oh, ce serait super ! Sinbad fut honoré de pouvoir être utile. Après tout, ils lui avaient tous sauvé la vie. Quelques semaines passèrent, et comme Sinbad était toujours Sinbad, il finit par s'ennuyer de ce nouveau travail. Comment vais-je un jour pouvoir retourner à Bagdad ? Aucune chance que le roi me prête un navire pour y aller. Et de toute façon, comment y aller ? Comme si je connaissais le chemin. Avec ma chance, je risque de me retrouver de nouveau sur la baleine. Je parie que sa vie est plus remplie d'aventures que la mienne. Un beau jour, tandis que Sinbad remplissait les informations sur les marchandises du cargo... Alors, ceci appartient à Sinbad, hein ? Sinbad ? Hey ! Je vous connais ? Vraiment ? Je ne pensais pas que mon visage était si commun. Ce cargo appartient à un marchand qui était autrefois sur notre navire, Sinbad le marin. Mais malheureusement, nous l'avons perdu en mer. Bonté divine ! Mais je suis Sinbad le marin ! Et moi, je suis le roi de ces terres. Et ça, c'était une très mauvaise blague. Je connais le roi de ces terres, moi aussi. Et je vous dis la vérité. Je sais tout à propos de la baleine. Elle m'a entraîné dans les eaux et j'ai réussi à flotter jusqu'ici. Je suis vraiment Sinbad le marin. Oh, mais je n'ai jamais rien dit à propos d'une baleine. Tu me dis donc la vérité, n'est-ce pas ? Oh, Sinbad, ça fait tellement plaisir de te revoir. Est-ce que tu repars avec nous ? Oui, bien sûr. Ma maison me manque. Par contre, il va d'abord falloir que j'aille voir le roi pour tout lui expliquer. Tu as vraiment de la chance de pouvoir retourner chez toi, Sinbad. Tu as vraiment travaillé dur ici. Je vais demander à mes hommes de préparer ton salaire. Et voici aussi pour toi. Et fais un bon voyage. Vous êtes le plus généreux, Votre Altesse. Et c'est ainsi que Sindbad reprit la mer sur son navire pour rejoindre son pays, son peuple, ses amis et sa famille. Waouh, Tac! Cet océan est vraiment rempli de mystères! Une forêt sur le dos d'une baleine? Qui aurait pu croire ça? Hé, hé, hé! Et ce n'est pas tout, Tik. Tu connais l'histoire de l'œuf? Et celle des serpents? Quoi? Non! Raconte-moi, raconte-moi! Chaque chose en son temps, mon ami. Maintenant, allons manger quelque chose. J'ai tellement faim. Oui, et allons trouver la baleine. Quoi? Non, je ne vole plus si loin maintenant.